Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Le Coran est la plus grande des exhortations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ses serviteurs. Islahul Umma, réformation de la communauté. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et a incité à méditer sur ce Coran et en tirer profit. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Et s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement maintes contradictions. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Et le Coran est soit un argument en ta faveur, soit ton encontre. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur le cœur? Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Et malheur à celui dont le cœur aura été endurci face au rappel d'Allah. Sermon numéro 7. Al-Bayan fi fada'il al-Qur'an. L'exposé concernant les profits du Qur'an. Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie réellement à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu comme vérité, c'est-à-dire le Qur'an? Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions près de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il vous corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est celle qui a été inventée, et toute chose inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Le jour où la terre se fendra, rejetant ses habitants précipitamment, ce sera là un rassemblement facile pour nous. Nous sommes plus savants au sujet de ce qu'ils disent, et tu n'as pas pour mission de les contraindre à se soumettre. Rappelle donc par le Coran celui qui craint mon avertissement. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes commandé son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de faire le rappel aux gens à l'aide du Qur'an. Wa kathalika awhayna ilayka Qur'anan arabiyan litundira umma al-qura wa man hawlaha wa tundira yawma al-jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Qur'an en langue arabe afin que tu avertisses les habitants de Umma al-qura, la mer des cités, c'est-à-dire la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a aucun doute, une partie d'entre l'humanité ira au paradis et une autre dans la fournaise ardente. Allah tabaraka wa ta'ala a ainsi ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens de la Mecque ainsi que ses alentours de ce qu'il arrivera comme frayeur et terreur le jour de la résurrection. Et il lui ordonna de les avertir à travers le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit: Alif lam mim sad كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم صاد. Voici un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait donc à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que tu avertisses les gens avec, et il est un rappel pour les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: Alif lam ra kitab anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission de leur Seigneur tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc celui qui se sera argumenté à l'aide du Coran aura certainement gagné, et quiconque s'y sera fermement accroché se sera assurément protégé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa'tasimu bihablillahi, et cramponnez-vous à la corde d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ainsi commandé de s'accrocher fermement à la corde d'Allah, c'est-à-dire à l'islam et au Coran. Et parmi les choses qui font suer les fronts, il y a le triste constat de l'endurcissement des cœurs face au livre d'Allah et le fait que les gens s'éloignent de lui, de même que sa faible évocation ainsi que la dispersion des langues de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son invocation. Car la plus grande des invocations et le plus grand des rappels est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: Wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika wa sawfa tus'alun. Et le Coran est assurément un rappel pour toi et ton peuple, et vous serez très certainement interrogé à son sujet. En effet, Le Coran est la plus grande des exhortations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ses serviteurs. Et c'est aussi la plus grande des miséricordes provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Donc, ne sois pas comme ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans son livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne connaissent rien du livre, hormis des prétentions. Mais cela ne faut que douter. Ne sois pas comme cela. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, qui ne connaissent rien du livre hormis des prétentions, c'est-à-dire qu'ils lisent le Coran mais qu'ils ne comprennent pas le sens. Donc le fait de ne pas comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est très dangereux pour les gens, de même que de ne pas méditer sur son contenu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Wa laqad dharana li jahannama katiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux et même plus égarés encore. Voilà les insouciants. Allah t'a honoré et il t'a préservé d'être dans l'incapacité de répondre à ses obligations et de ne pas accepter son livre avec ton cœur, ni de ne pas le comprendre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et a incité à méditer sur ce Coran et en tirer profit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an wa law kana min 'indi ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafan katira." Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, et s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement maintes contradictions. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha." Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Le Seigneur des mondes ainsi inciter les gens à méditer sur ce livre. Oh vous les gens, il est très important pour nous que nous ne soyons pas comme il a été dit, tel le chameau dans le désert qui meurt de soif alors qu'il porte de l'eau sur son dos. Les cœurs s'endurcissent et les gens tombent ainsi dans les troubles qui les dominent à cause de leurs péchés et du manque de réussite, alors qu'ils ont avec eux le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Wa kayfa takfuruna wa antum tutla 'alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et que son messager se trouve parmi vous, et qui donc s'accroche fortement à Allah, il est certes guidé vers un chemin droit. Ceci est un blâme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'encontre des polythéistes de Quraysh, les habitants de la Mecque. Comment pouvaient-ils les croire alors qu'ils avaient le livre d'Allah présent avec eux? Donc ce livre est une prémonition et une protection. Ce livre est une lumière et une guidée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا." Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Il guide vers l'adoption du bon comportement, ainsi que des nobles vertus. Il guide vers l'application des lois religieuses. Il guide vers la jurisprudence correcte et authentique. Il guide vers le fait de s'établir fermement dans l'islam. Il guide vers l'amour et la fraternité pour Allah et agréé par lui. Et le Coran guide vers la vraie croyance concernant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit unifié dans sa seigneurie, dans son adoration, ainsi que dans ses noms et attributs divins. Et même les djinns ont su la guider de ce Coran, comme il a dit subhanahu wa ta'ala: وَإِذَ سَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِدُوا فَلَمَّا خُذِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Et lorsque nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns afin qu'ils écoutent le Coran, et quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent entre eux: taisez-vous et écoutez. Puis lorsque ce fut terminé, ils retournèrent auprès des leurs en avertisseurs. Ils dirent: ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui a été descendu avant lui, qui guide vers la vérité et vers la droiture. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui, il vous pardonnera ainsi de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque n'y répond pas ne saura rendre Allah subhanahu wa ta'ala à la puissance sur terre, et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Voilà le bon comportement. Les voix ne se levaient pas en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent ainsi: taisez-vous et écoutez. Quelle exhortation ce groupe de djinns apportèrent à leur peuple. Et Allah évoqua cela dans son livre saint. Donc, il est obligatoire pour nous aussi de nous exhorter mutuellement à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: je vous ai laissé deux choses auxquelles, si vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas. Et l'une d'entre elles est plus grandiose que l'autre: le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Dit: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis ils dirent: nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, le Coran, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Donc, où les gens vont-ils avec ce Coran? فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. En quel récit croiront-ils donc après celui-ci? أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, et qu'il leur soit récité? Il y a assurément en cela une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. Donc, quiconque ne tire pas profit du Coran n'est pas guidé, et il ne se trouve pas non plus dans une lumière ni un bien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhan nas, qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, et une guidée et une miséricorde pour les croyants. Dis qu'ils se réjouissent donc de cela, car cela est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser dans ce bas monde. Ce Coran est une guidée et une guérison. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit: wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des gens injustes. Donc le Coran est une miséricorde pour les croyants, et il est une perte pour les injustes. Et la personne qui est réellement privée du bien est celle qui l'est à travers le Coran, et la personne qui a véritablement réussi est celle qui aura réussi à travers le Coran. Et l'imam muslim a rapporté dans ce recueil de récits authentiques, d'après le récit de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah élève par le biais de ce Coran des communautés, et il en rabaisse à travers lui d'autres. Et toi tu constates, au serviteur d'Allah, qu'Allah a rabaissé par ce Coran les juifs et les chrétiens, et il les a ainsi réprimandés à cause de leur opposition au Coran. Et il a de même avili par le biais de ce Coran tous ceux qui se seront égarés et détournés de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit en son livre saint: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera assurément une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira alors: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira: nos signes et nos enseignements t'étaient certes venus et tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui, c'est toi qui as oublié. Et tu vois aussi qu'Allah a élevé à travers ce Coran quiconque met en application ses enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Et ceux qui s'accrochent au livre, c'est-à-dire au Coran, et accomplissent la prière, eh bien, nous ne laisserons certainement pas perdre la récompense de ceux qui se réforment. Donc, celui qui est réellement humilié est celui qu'Allah aura humilié dans son livre. Et la personne qui est véritablement honorée est celle qu'Allah aura honorée dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dit: ô Seigneur, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu enlèves l'autorité à qui tu veux, et tu honores qui tu veux, et tu humilies qui tu veux, et le bien est dans ta main, et tu es assurément omnipotent. Tu fais honneur à qui tu auras voulu faire honneur de par son obéissance envers toi, et tu humilies qui tu veux à cause de sa désobéissance. Ô toi inattentif, ô toi l'inattentif au rappel d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Si nous en avions fait un Coran en autre langue que langue arabe, ils auraient assurément dit: pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Un Coran en une langue autre que l'arabe et un messager arabe dit: il est pour ceux qui croient une guidée et une guérison, et quant à ceux qui ne croient pas, il est une surdité dans leurs oreilles et un aveuglement. Ceux-là sont pareils à des gens qui n'entendent pas lorsqu'on les appelle d'un endroit lointain. Nous sommes tous dans le besoin de nous recueillir et de nous concentrer lors de l'invocation et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: أَلَمْ يَعِنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie réellement à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu comme vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, les Juifs et les chrétiens? Ceci laissèrent passer le temps sans le mettre en application jusqu'à ce que leur cœur s'endurcisse, et nombreux parmi eux sont pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit: Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudhlilillah fama lahu min had. Allah fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent lorsqu'ils l'entendent, puis elles s'apaisent, ainsi que leur cœur lors du rappel d'Allah. Voilà la guidée d'Allah avec laquelle il guide qui il veut, et celui qu'Allah égare n'a personne pour le guider. Ce livre est préservé par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est certes nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui le préservons. Donc, tu te dois de fournir les efforts nécessaires à son apprentissage et à sa mémorisation. Et tu te dois aussi de méditer dessus, de même que de t'efforcer à le mettre en pratique. Sinon, il sera une preuve contre toi le jour de la résurrection. Et l'imam muslim a rapporté en son recueil de récits authentiques, d'après le récit de Abu Makl al-Ash'ari, radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification du corps est une partie de la foi. Et la parole, alhamdoulillah, toutes les louanges sont à Allah, remplit la balance. Et les deux paroles, subhanallah, walhamdoulillah, gloire à Allah, et toutes les louanges sont à Allah, remplit ce qu'il y a comme espace entre les cieux et la terre. Et la prière est une lumière, et le monde est une preuve, et la patience est une clarté. Et le Coran est soit un argument en ta faveur, soit ton encontre. Et voilà notre preuve. Puis il dit: toute âme s'en va vendant sa personne, soit elle la vend à Allah subhanahu wa ta'ala et l'affranchit, ou soit elle la vend au diable, devenant ainsi esclave. Et le Qur'an intercédera pour toi le jour du jugement dernier et sera un argument en ta faveur si tu l'avais mis en pratique dans ce bas monde. Et l'imam Muslim a rapporté dans son recueil de récits authentiques, d'après le récit de Abu Umam radiallahu anhu, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lisez le Qur'an, car celui-ci intercédera le jour de la résurrection en faveur de celui qui le récitait. Et le récit d'An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu, rapporté par Muslim dans son recueil de récits authentiques, confirme cela, car il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on viendra le jour du jugement dernier avec le Qur'an ainsi que ceux qui le mettaient en application, et les sourates Al-Baqara et Al-Imran seront en avant et argumenteront en faveur de ceux qui y étaient fermement attachés. Donc le Qur'an sera une preuve pour toi le jour de la résurrection si tu auras mis en pratique ces enseignements avec méditation, recueillement et sincérité, car cela aide au raffermissement de celui qui s'y accroche fermement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثْبِتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dit: c'est le Saint-Esprit, l'ange Jibril, chargé de transmettre la révélation, qui l'a fait descendre de là-bas à ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'une guidée et une bonne annonce pour les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Et ceux qui ont mécru ont dit: pourquoi le Coran n'a-t-il pas été descendu sur lui en une seule fois? Les polythéistes dirent ainsi: pourquoi n'a-t-il pas été révélé en une seule fois? Allah subhanahu wa ta'ala a dit: كَذَلِكَ لِنُثْبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. C'est ainsi que nous l'avons révélé, afin de raffermir ton cœur par sa cause. Et nous l'avons récité d'une parfaite récitation. C'est-à-dire qu'il l'a descendu en plusieurs parties, afin que tu sois fermement établi dans la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: كَذَلِكَ لِنُثْبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. C'est ainsi que nous l'avons révélé, afin de raffermir ton cœur par sa cause. Et nous l'avons récité d'une parfaite récitation. Le Coran est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et nous savons certainement que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Alors glorifie ton Seigneur par sa louange, et sois de ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et il a été établi, d'après le récit d'Abu Umam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les parents dont l'enfant aura appris le Coran viendront le jour de la résurrection, tous deux couronnés d'une couronne, d'une valeur plus grande que tout ce bas monde. Cette couronne, tu ne pourras pas l'acquérir avec de l'argent, ni par quelque autre moyen, mais il ne te sera possible de l'acquérir que seulement si ton enfant aura mémorisé le Coran. C'est avec le Coran que s'apaisent les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une formidable parabole concernant celui qui mémorise le Coran et le psalmodie habilement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit: le virtuose dans la lecture du Coran sera avec les nobles anges, et quant à celui qui ne lit le Coran qu'avec difficulté et peine, celui-là sera récompensé doublement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: le meilleur d'entre vous est celui qui aura appris le Coran puis l'aura enseigné à autrui. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit d'Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui lit le Coran est comme le cédratier, son odeur est bonne et son goût est bon. Et le croyant qui ne lit pas le Coran est comme la date, elle n'a pas d'odeur mais elle a bon goût. Et l'hypocrite qui lit le Coran est comme le myrte, son odeur est bonne et son goût est amer. Et l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est comme la coloquinte, elle n'a pas d'odeur et son goût est amer, ni odeur et ni goût. Et il a certes été établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera dit le jour de la résurrection à celui qui récitait le Coran dans ce bas monde, lis, psalmodie et élève-toi en degré comme tu le psalmodiais dans la vie d'ici bas, car certes ta place au paradis sera au niveau du dernier verset que tu réciteras. Les gens du Coran sont l'élite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont ses privilégiés. Et la sakine, la quiétude, descend sur les gens lors de la récitation du Coran, comme cela a été rapporté dans le récit d'Al-Bara ibn Azim, radiallahu anhu, qui a dit, cependant que Usayb ibn Hudayr récitait la sourate Al-Kahf et qu'un cheval se trouvait attaché à ses côtés, un nuage vient soudainement à eux. Celui-ci ne cessa de se rapprocher d'eux jusqu'à ce que le cheval soit pris d'effarouchement. Usayb ibn Hudayr se rendit le lendemain auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta ce qui s'était passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cela est dû à la sakine qui descend lors de la récitation du Coran. Quelle agréable vie que cette vie-là, et quel bon goût que celui de la foi que l'on ressent lors de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec méditation, certitude, foi et sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment, ton cœur se recueille. À cet instant, les membres de ton corps se recueillent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Wa idha dhukira Allahu wahda, ishma'azzat quloubu alladhina la yu'minuna bil-akhira, wa idha dhukira alladhina min dunihi, idha hum istabshirun. » Et lorsqu'Allah est évoqué seul, sans associer, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Mais quand ces derniers évoquent leur divinité, qu'ils adorent en dehors d'Allah, les voilà qui se réjouissent. Par Allah, bienheureux est celui qui médite sur le livre d'Allah, qui le met en pratique et qui en tire profit. Et malheur à celui dont le cœur aura été endurci face au rappel d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes cité en exemple les juifs dont les cœurs étaient durs, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres et même plus durs encore, car il y en a parmi les pierres d'où jaillissent des ruisseaux, d'autres qui se fendent faisant surgir de l'eau et d'autres qui s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement pas inattentif à ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais certainement vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et nous citons ces paraboles aux gens afin qu'ils réfléchissent. Si ce Coran était descendu sur une montagne, celle-ci serait certainement fendue par crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ton cœur des êtres humains, ils ne se recueillent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que peu, ni ne le craignent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. C'est ainsi que nous avons fait descendre le Coran en langue arabe et nous y avons multiplié les avertissements afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les fassent se rappeler. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, صاد والقرآن ذي ذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد, par le Coran plein de rappels, ceux qui ont mécru ne sont baignés que dans l'orgueil et la discorde. Et dans le récit de Jubayr ibn Mat'am radiallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter la prière du Maghrib, la sourate At-Tur, et lorsqu'il récita ce verset, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ou est-ce eux qui ont créé les cieux et la terre? Ils n'ont en fait aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils eux-mêmes les maîtres souverains? Il dit, mon cœur failli s'envoler. Et d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, récite-moi du Coran. Je lui dis, tu veux que je te le récite alors que c'est sur toi qu'il est descendu? Il dit, j'aime l'entendre d'autres que moi. Je lui récita ainsi la sourate An-Nisa jusqu'à atteindre le verset فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils lorsque nous ferons venir de chaque communauté un témoin, c'est-à-dire le prophète qui leur avait été envoyé, et que nous te ferons venir, toi Mohammed, comme témoin contre ces gens-là? Il me dit alors, arrête. Je me tourna vers lui, c'est alors que je vis ses larmes couler. Cela est la conséquence de la méditation sur les versets d'Allah. Cela est le résultat de la mise en application du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le fruit de la préparation de ce qui se passera le jour du jugement dernier. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Comment seront-ils lorsque nous ferons venir de chaque communauté un témoin, c'est-à-dire le prophète qui leur avait été envoyé, et que nous te ferons venir au toi Mohammed comme témoin contre ces gens? Ce jour-là, ceux qui n'auront pas cru et auront désobéi au messager sallallahu alayhi wa sallam souhaiteront que la terre soit nivelée sur eux, et ils ne pourront dissimuler à Allah aucune parole. Walhamdulillahi rabbil alamin.